Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et comme d'habitude, on a deux bonnes heures de rock progressif à vous proposer. Et ce soir, on commence avec Mystery de leur 8e album studio, Redemption. Ça faisait 5 ans que le groupe n'avait pas présenté de disque studio. Le dernier étant Lies and Butterfly, paru en 2018, ce qui n'a pas empêché le groupe d'être actif quand même. Il y a eu, entre 2018 et 2023, il y a eu quand même un album en concert et un coffret de 3 CD en concert accompagné d'un Blu-ray, donc Cock in the Whirlwind of Time, paru en 2020. Donc le groupe n'était pas inactif pour autant. Et par la suite, on aura de l'Italie. Une nouveauté par le groupe The 40 Days. J'avais beaucoup aimé leur disque paru en 2017, Color of Change. Le groupe a été formé en 2014 par des musiciens qui faisaient partie d'un groupe hommage à Pink Floyd. Et je pense que cette source d'inspiration est encore présente. Je vous laisse juger par vous-même. Et puis on peut voir aussi des clins d'œil à Porcupine Tree, à Marillion. Bref, j'étais bien content de voir cette nouveauté arriver, 40 Days. Et le titre de l'album, c'est Beyond the Air. Mais tant qu'à y être, on va rester en Italie, n'est-ce pas Marc? Oui, absolument. Et c'est une belle nouveauté. Le groupe a pour nom Le Vele di Oniride. Et c'est leur premier album qui vient tout juste de paraître, intitulé La Quadratura del Cerchio. Et on aura donc un premier extrait pour vous ce soir. On décrit le groupe comme étant un mélange entre Il Biglietto per l'Inferno et PFM. Alors on vous laissera juger avec cette première pièce intitulée Sogni Infranti. Mais comme vous disait Michel, on débute d'abord avec la formation québécoise Mystery. She puts her hands in water as if to wash the blame away. She does that every day. Then she closes her eyes and she tries to pray before the guilt comes away. Smiles as she holds the night. Bonjour, c'est Malcolm Smith d'Isobar et vous écoutez Terra Incognita en direct de Québec. Thank you. De retour à Terra Incognita, on entame cette demi-heure avec une nouveauté italienne, un groupe que Marc et moi apprécions beaucoup, Homunculus Res. On va avoir un extrait du cinquième album studio du groupe qui a pour titre Echo l'Impero di Doppi Sensi, ou si vous préférez en français, Voici l'Empire du Double Sens. Et par la suite, on aura un extrait d'un double album d'un groupe finlandais qu'on a beaucoup apprécié aussi. Oui, en effet, et ce sera un album qui, selon moi, se classera dans les albums préférés des amateurs de rock progressif pour 2023. Il s'agit de Overhead et de leur album Telepathic Minds. Alors, on aura la pièce Ghost from the Future, et ce sera suivi de la formation italienne Giant Divine, tiré de leur plus récent album A Chair at the Back Door. Leur premier album était paru en 2019. Alors, on aura un second extrait pour vous à l'émission ce soir, la pièce A Chair at the Back Door, la pièce titre donc de cet album. Mais pour débuter, on y va avec la nouveauté de Homunculus Res. We'll be right back. We'll be right back. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Unreal City. Et si on vous parle de cette formation, c'est que récemment, on a pu discuter avec Francesca Zanetta, qui nous présentait deux spectacles dans le cadre du festival Terra Incognita. Elle était avec sa formation de Lost Vision of the Chandu Priest et également Quel che dice il tuono, qui ont donné deux excellents concerts d'ailleurs. Et on a pu lui demander si elle était toujours impliquée avec Unreal City. Elle nous a confirmé effectivement que Unreal City travaillait sur un nouvel album et qu'on allait éventuellement pouvoir profiter d'une nouvelle parution de cette formation. En attendant, ben, on aura une pièce de leur second album paru en 2015, Il Paese del Tramonto, et la pièce Caligari. On aura également une autre formation italienne qui a pour nom LS Mir et c'est tiré de leur plus récent album Weird, une pièce sur laquelle joue David Jackson, qui est le saxophoniste de la célèbre formation Vandergraaf Generator. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Norvège. Oui, un groupe qu'on apprécie beaucoup. Il s'agit de Knekkelektrik. Et on va écouter un extrait de son plus récent album, Alt Blir Vær. Glad. Sotto un cielo fumoso, tra i rumori del circo, con i suoi baracconi, dal suo nero cappello obliquo, come l'inferno sta un gigante dormiente, disse all'improvviso: questa è la mia grande intuizione, un uomo asservito ad un solo padrone. Sveglio dal suo sonno perenne, predice il futuro osservando le stelle. La la la la la la. le stelle da sfondo in quella notte di sangue. Fecero amisfatti ignobili ed indegni del mondo, brancolando nel buio come un lupo disperso. Il suo servo s'aggirava mentre tutt'attorno lento si muoveva il vento. La notte premeva con violenza sull'alba. Il dottore dallo strano cappello suonava un armonium sfiatato dal tempo. Dans le prochain bloc musical, on aura pour vous un extrait d'un album concept qui a pour titre « The Stories of H.P. Lovecraft Symphonic Collection » paru en 2012. C'est un album triple sur lequel On a des pièces présentées par Nexus, Dahl, Cicada, La Cocienza di Zeno, Rinetes Negros, Simon Says, Unitopia, Glasshammer, pour n'en nommer que les plus connus. Donc, on aura de cet album une pièce de The Samurai of Prague, qui a pour titre The Case of Charles Dexter Ward. Et il y a sur ça Marco Bernard, Kimo Porsti et Steve Unruh. Et également Lalo Hubert de Nexus, qui joue sur cette pièce. Ça a été enregistré en Finlande, au Venezuela, aux États-Unis, et mixé par Steve Unruh. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Suède. Oui, on aura un extrait de Nymph, cinquième album de Carptree, paru en 2010, et ce sera la pièce Land of Plenty, et un groupe, incidemment, qui n'a rien présenté depuis 2018. C'était alors son septième album, qui a pour titre Subimago. En attendant des nouvelles, ben, on va écouter un extrait de Nymph. Thank you. Has wrought the curious case of Charles Dexter Ward, whose transformation is the crux of darkest mystery. From a harmless antiquarian meandering historic streets to recent insane asylum escapee. Living partly in the past, his last years took a drastic turn upon discovering a secret in his family tree. With one brilliant evil ancestor, young Charles was suddenly obsessed, and down the pit he fell into insanity. Now there's just his empty cell and dusty open windowsill leading to a 60-foot drop. The steps that brought us here, through family doctor Willett's shoes. The man investigating Charles' sinister decline. It seems young Charles had found one Joseph Kerwin's journal, tucked within colonial walls, and felt its incantations beckoning through time. He purchased in secret this ancestor's farm, and subsequently to the local villagers' alarm, signals of horrors 100 years past return. Adjusting to black night, lit by a small pocket flashlight, his sight revealed. To his amazement, deeper and deeper the maze went. He found a labyrinth cavern beneath the field. Down again for a further inquiry. All alone in the labyrinth. His right and saw a familiar verse. Hand-carved words, ancient and absurd, repeatedly occurred in the diary of Kerouan. He'd studied those lines, seen them so often they were engraved, letter by letter, in his mind. And yet those signs, to the doctor's right, deviated slightly and seemed to immure him. So he recited the verse to square and collect his thoughts. As these words were spoke, an unholy smoke arose from an open jar of dust. And as that smoke parted, Dr. Willett exclaimed, "My God, what is that shape appearing?" Ancient dust, what he could not contain. Joseph Kerwin rose and murdered Charles and had stolen his identity. But culture shock had got him certified insane. One last visit to Charles Ward's cell, the doctor commanding the ancient spell. Joseph Kerwin fell to dust. C'est déjà presque la fin pour l'émission Terra Incognita. Alors, c'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. On a décidé de vous laisser avec une pièce de The Flower Kings, qui est une formation de la Suède, et ce sera tiré de l'album Paradox Hotel. C'était le 9e album de cette formation, qui en compte maintenant 15 à son actif. Alors, on aura ici la pièce The Unorthodox Dancing Lesson. On vous souhaite une bonne semaine, et restez les nôtres pour l'émission L'Autoroute qui suit dès 23h.